tasse de lait léger et apaisant accompagne un soliloque d'amour. Tandis que les torrents de notre passé recueillent les échos de ta voix absente, nous partageons vin, vodka et thé dans notre mansarde de marbre largue. Nous étions des habitants insouciants de Harrow-Bistry. Quand tu te blottissais contre moi dans les rues de Londres, nous étions le centre de l'autocélébration et de la richesse. Maintenant je vois que je n'ai jamais fait partie de tes plans. Pendant que je travaillais 2 ans pour toi, tu n'as tenu que 3 mois pour nous. Au chômage, je t'ai nourri, mais habillé sans me plaindre, harcelé par ta mère. Tu te reprochais de ne pas avoir d'emploi et de dépendre de moi. J'ai jeûné et suis allé à Fatima pour ton bien. Au fin devant Dieu et tes larmes, j'ai prié pour que tu prennes mon emploi et que je souffre. 5 mois plus tard, tu travaillais à Londres et je perdais mon poste d'enseignant au Portugal. À Salford, j'ai brillé comme metteur en scène, apprenant aux Anglais à jouer. Mais le nationalisme fut un mur pour moi, et j'ai alors accepté les travaux les plus humbles. Des cartons de vêtements chez Harrods, j'ai passé 3 ans parmi mannequins et marchands. Dans l'entrepôt le plus propre jamais célébré, des verres brisés d'un sacrifice trahi. Pendant 11 ans tu m'as refusé une famille. Toi qui as blessé l'enfant que nous n'avons jamais eu. De toi la lutte, la douceur et l'intuition, la joie, l'euphorie, la foi de Babylone. Des talents qui habitent un empire assiégé, réduit en ruine par ton épée tombée.